Chapitre 12e. Une surprise l'attendait déjà en sortant de l'hôpital. Un chauffeur en livrée qui lui ouvrit la portière d'une magnifique limousine blanche. Elle bafouilla en se tournant vers Jérémie. « Mais qu'as-tu encore imaginé, mon amour? Une limousine, vraiment? Je ne suis jamais montée dans ce genre de véhicule. Nous allons nous faire remarquer, et tu sais, je n'aime pas trop. » « Ne t'inquiète pas, dans la ville éternelle, les habitants en voient bien d'autres. Je t'assure que personne ne fera attention à nous. » Il la prit par la main et « Si madame veut bien se donner la peine ?» Elle sourit et s'assit dans la magnifique voiture. Du champagne les attendait. « C'est un peu tôt pour cela, non ? Nous avons un petit quelque chose à fêter. La chance d'avoir quelques années de bonheur devant nous. C'est vrai, mais tu imagines que tu n'as avalé qu'un malheureux café et moi seulement un jus de fruits ? Nous allons être pompettes. » Qu'à cela ne tienne. Poussant un bouton, un mini-frigo apparut. Il en sortit une pleine assiette de petits fours au caviar et au foie gras. « Tu as pensé à cela aussi ? Tu as préparé tout ça quand, dis-moi ? J'ai l'impression d'être dans le film Pretty Woman. » « C'est un peu ça, oui. C'est même exactement ce que je veux. J'ai préparé cela hier soir pendant que tu étais avec Ron. Je t'avais prévenu qu'il y aurait une surprise. Ah, je croyais que c'était l'injection. Ça l'englobe, bien que pour moi je ne puisse appeler ça une surprise. » « C'est maintenant les surprises. » « Il y en a plusieurs ? Pourquoi fais-tu cela ? Je sais que tu m'aimes. Je n'ai guère besoin que tu me le démontres de cette façon. Un simple café à la terrasse d'un joli bar devant le Colisée, et je serai la plus heureuse des femmes si je suis à tes côtés. » « Je le sais. Je veux te donner tout ce que tu n'as pas eu jusqu'à présent, et à quoi, selon moi, tu as droit. Tu as le droit de réaliser tes rêves, et j'ai ce qu'il faut pour cela. Comme je t'aime profondément, laisse-moi au moins réaliser quelques-uns, veux-tu ? Très bien. Je me laisse guider avec un intense plaisir. » La limousine silencieuse les amena au pied du Colisée. Harmonie fit des photos et demanda à Jérémy : « Pourquoi refuse-t-il de se laisser photographier s'il se déguise exprès en Romain ? Toujours pour la même raison, ma douce, pour de l'argent. Ils vivent de cela. » Oh ! Je n'avais pas compris. Je pensais que c'était inclus avec la visite du monument. Je suis désolée. Je ne veux jamais t'entendre dire cela. Nous ne savons pas tout dans cette vie. Même le plus érudit ne peut pas tout connaître. » Ils passèrent une bonne heure à se promener dans les ruines de cet amphithéâtre construit par Vespasien. Celui qui a... Oui, les toilettes, exactement. Pour une fois, je ne dis pas de bêtises. Il l'embrassa et ils continuèrent. Regarde ces souterrains. C'est par là que remontaient dans des ascenseurs tirés par des esclaves les fauves et les gladiateurs. Ils entraient directement sur l'esplanade. Cela devait faire sensation à cette époque. Certes, mais je n'aime pas l'idée que des hommes s'entretuent rien que pour le plaisir d'autres hommes. Et ces pauvres animaux innocents tués par milliers, c'est dégoûtant et si cruel. Oui, ce n'est guère une époque que j'affectionne également. Si nous allions visiter le forum en face. Excellente idée. Ils se promenèrent comme à Pompéi dans les ruines antiques. Le temps était beau et chaud et la promenade fut très agréable. Les mêmes rues pavées entrecoupaient les pâtés de maisons et les mêmes traces de chars en étaient visibles. Ils virent une boulangerie avec au dehors les fours à pain et les chopes minuscules où le boulanger le vendait. Ils s'assirent encore à l'ombre des pins parasols près d'une magnifique fontaine en pierre représentant un triton par lequel jaillissait en ce temps-là une eau pure. Jérémy offrit une glace italienne au chocolat à la jeune femme qui la dégusta avec grand plaisir. « Nous y allons ?» lui demanda-t-il lorsqu'elle eut terminé. « Et où ça ?»« Surprise ! Encore ? Tu es incorrigible !» De nouveau installés dans la longue limousine, ils parcoururent un assez long trajet, passant par la Via Roma, la rue la plus commerçante et chère de la ville. Des boutiques de luxe se côtoyaient les unes après les autres. De grandes marques de vêtements, de parfums, étalaient dans leurs superbes vitrines les produits les plus luxueux. La limousine s'arrêta enfin. Harmonie s'exclama « La fontaine de Trévi !»« Madame, » fit Jérémy lui tendant une main pour qu'elle le suive. Sans se faire prier, Harmonie passa son bras sous le sien. Il y avait beaucoup moins de touristes en cette heure de soirée près du dîner. La fontaine, où dans l'eau se reflétaient toutes les pièces de monnaie que les touristes avaient jetés par-dessus leur épaule pour être certains de revenir un jour à Rome resplendissait dans les couleurs de la fin du jour. Le soleil déclinant ses tons de rose orangé en faisait un lieu romantique à souhait. Harmonie s'assit sur le bord et ne put s'empêcher de laisser sa main effleurer la surface de l'eau. Elle ne vit pas les musiciens arriver et se mettre en place. Jérémie doucement la héla. « Mon amour ?» Se tournant vers lui pour lui répondre, elle le vit mettre un genou à terre et sortir un écrin de sa poche. Jouant en sourdine, les musiciens attaquèrent Unchained Melody. « Amour de ma vie, veux-tu m'épouser ?» Rien qu'un instant, elle resta interdite. Était-ce un rêve? Elle n'en croyait pas ses yeux. Mais Jérémy était toujours dans la même position, et dans ses grands yeux bleus, elle voyait le doute s'installer. Elle répondit, les larmes plein les yeux. « Oh oui, mon amour, oui !» Ils n'entendirent plus les musiciens jouer, ni les applaudissements des quelques touristes alentour. Un baiser brûlant scella leur promesse d'amour. Puis Jérémy lui passa à l'annulaire un superbe solitaire. « Je t'assure qu'il ne fallait pas... Tais-toi, mon âme. Je suis heureux si elle te plaît. Ah, je serai plus que difficile. Mais l'important, c'est toi. Merci, mon âme. J'ai aussi autre chose à te demander. Mais ici, avec tous ces regards, ce n'est pas le lieu. Veux-tu revenir dans la limousine maintenant ?» Installés, collés l'un contre l'autre, les yeux dans les yeux, Jérémy lui demanda « Veux-tu me faire encore confiance? Veux-tu me laisser organiser notre mariage? Et surtout, veux-tu que ce soit réalisé le plus vite possible ?» Le regardant avec amour, elle lui répondit « Oui, oui, oui, oui et oui !»« Alors je vais te laisser devant cette boutique de robes de mariée. Prends tout ton temps, fais faire des retouches si besoin, et reprends la limousine pour rentrer au bateau. Mais, et toi? Moi, je prends un taxi. J'ai des documents à faire établir. De plus, le marié ne doit absolument pas voir la robe de la mariée avant la cérémonie, donc... » Elle ne le laissa pas finir sa phrase. Elle l'embrassa à pleine bouche. Leur baiser fut si passionné qu'ils ne s'aperçurent pas qu'ils étaient à l'arrêt. Le chauffeur, jetant un regard dans le rétroviseur, sourit et ne pit pas mot. « Le problème, » fit Harmonie d'une toute petite voix, « c'est que je n'ai pas pris ma carte de crédit. J'ai toujours peur de la perdre, alors ne t'en fais pas. J'ai ouvert un compte dans cette boutique. Ne t'inquiète pas du prix non plus. Je te veux la plus resplendissante des mariées. Tu plagies vraiment, Pretty Woman. » Il l'aida à sortir de la voiture et l'accompagna jusqu'au seuil de la boutique. Puis, hélant un des nombreux taxis qui passaient dans la Via Roma, il demanda au chauffeur de le conduire à l'ambassade du Québec. Dans le véhicule, il sortit son smartphone et composa un numéro. « Ambassade du Québec, je vous écoute, » fit une voix suave. « Voudriez-vous me passer, Monsieur Emerson, je vous prie ?»« De la part ?»« De son frère. » Une voix retentit bientôt dans l'écouteur, rugissant son nom. « Jérémy, c'est bien toi ? Bon sang, que fais-tu ici ? D'abord, où tu es ?» Pour répondre à toutes ces questions dans l'ordre, c'est bien moi. Je vais t'expliquer pourquoi je suis ici, et je suis dans le taxi qui vient de se garer dans la cour de ton ambassade. Il n'eut qu'à peine le temps de sortir du véhicule que déjà la porte de la résidence s'ouvrait. Un homme en dégringola les marches et le prit dans ses bras. Une accolade fraternelle, comme il y avait bien longtemps que ces deux-là n'en avaient eu. Viens vite, j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. Cela fait déjà 2 ans. Depuis ton divorce que tu as laissé tomber ton vieux frère. Tu n'as que 15 minutes de plus que moi. Cela n'empêche que je suis l'aîné. Allez, viens m'expliquer ce que tu fais ici et pourquoi tu as besoin de mes services. » Pendant l'heure qui suivit, Jason fit préparer l'acte de mariage. Il appela ensuite l'ambassade portugaise et mit sur pied toute l'organisation pour que son cher jumeau puisse se marier à temps, ce qui ne fut pas une mince affaire. « Tu ne m'as même pas invité !» fit ce dernier. « Mais je suis ici pour cela aussi. Au dernier moment, tu ne me laisses que quelques heures pour me retourner. Un ambassadeur ne peut quitter d'un seul coup sa charge. » « Bien sûr que si, pour des raisons familiales, c'est possible. » « Pas de nouvelles pendant 2 ans. Tu arrives sans prévenir à 17 heures un jeudi et tu me demandes non seulement de t'aider, mais aussi de quitter mon poste. Où donc as-tu vécu, mon frère, pendant tout ce temps? Au fin fond de la Laponie? Fit Jason ironique. Presque, tu sais, les labos. Ouais. Je vais voir ce que je peux faire, mais je ne te promets rien. Bon sang, quelques jours plus tôt. Je ne le savais pas, quelques jours plus tôt. Ton histoire est plus que rocambolesque. Tu es bien certain pour cette femme? Je te promets que oui. D'ailleurs, quand tu la verras. Mais si je tombe amoureux d'elle, je te casse la gueule et te jette à la mer. D'accord, je vais éviter. Le fax retentit. Jason se leva et récupéra le document. Tiens, voilà ton certificat. Tu as pensé à qui officiera? Mon officier d'état civil est en congé et toi, bien sûr, fit en riant Jérémy. Tu ne manques quand même pas de culot, tu sais. Oui, mais t'aimes ça. Tu es comme moi. Et sois certain que si tu me demandais la même chose un jour, je répondrais présent. Où est ta dulcinée? En train de choisir sa robe. Tu as vraiment pensé à tout. Et si elle avait dit non? Mais elle a dit oui, et c'est ça l'important. Comment va mon neveu préféré? Bien, et j'espère qu'il sera mon garçon d'honneur. Lui, en costume cravate? Alors tu vois, rien que pour ça, je viens. Ils discoururent encore une bonne heure et se donnèrent rendez-vous pour le surlendemain. Jérémy reprit son taxi et passa à l'agence de voyage. La réservation de la chambre d'hôtel pour le retour ne prit que quelques minutes. Il serait un peu en dehors de la ville à l'hôtel Romanesco, une suite avec deux chambres séparées. Le 5 étoiles leur offrirait tout le confort nécessaire comme sur le bateau. L'autre réservation fut un peu plus compliquée, mais quand Jérémy affirma, preuve à l'appui, qu'il voulait la suite nuptiale, il fut entendu. Pendant 2 heures, il dicta ses exigences à la directrice de l'agence. Cette dernière, au téléphone, demandait, menaçait, suppliait. En reposant le combiné, elle était épuisée. J'espère que je vous ai donné satisfaction, monsieur Emerson. C'est bien la première fois que j'organise en si peu de temps un mariage comme celui-ci. Jérémy la remercia chaleureusement. De nouveau installé dans un taxi, il prit la direction du port.